Chapitre 11. En fuite. Après avoir fermé la porte, Lagnard se dit que la paix funèbre de ses deux chambres à coucher était assurée, sauf malencontre, pour tout le temps que la drogue continuerait d'agir sur l'Américain. Et il se jugea fondé à croire que ce laps durerait assez longtemps, car, à moins d'instructions contraires, aucun hôtelier conscient de ses devoirs ne permettrait qu'on troublât le repos d'un hôte anglo-saxon avant midi au plus tôt. Durant toute une minute, après avoir retiré la clé, l'aventurier resta aux écoutes. Mais le lourd silence de ce sinistre vieux phalanstère bourdonnait à ses oreilles, troublé par aucun bruit insolite. Ce triste fantôme de ses souvenirs, ce pauvre Marcel, d'un passé si défunt que frappait de terreur la main de Madame Troyon, n'avait jamais filé dans ce corridor plus silencieusement. Malgré cela, Lagnard n'était pas encore à 5 pas de sa porte qu'une autre porte s'ouvrit, tout au bout, livrant passage à Lucia Bannon. Il retint un juron. C'était à croire vraiment que cette série de malchances n'allait jamais finir. L'étonnement tempéra beaucoup son exaspération. Qu'est-ce qui avait attiré la jeune fille hors de son lit et l'avait fait s'habiller pour sortir à cette heure indue? Et pourquoi tremblait-elle devant lui? Car la surprise n'était pas plus agréable pour elle que pour lui. Cela était aussi évident que le fait qu'elle se préparait à quitter l'hôtel, car elle s'enveloppait d'un imperméable Burberry, depuis le cou jusqu'à le roulé de sa jupe trotteuse, et elle portait de fortes bottines de cuir marron. À la vue de l'aventurier, elle s'arrêta, fit machinalement un pas en arrière, et porta la main vers le bouton de sa porte. Tandis que ses yeux, fixant ceux du jeune homme avec un air d'effroi sidéré, semblait pour un instant s'élargir dans son visage d'une pâleur insolite. Mais c'étaient là des témoignages inintelligibles, et Lagnard ne se préoccupait que de la faire taire avant qu'elle pût le trahir et ruiner sur le champ ce macabre alibi qu'il s'était ménagé avec tant de soin. Il s'approcha d'elle rapidement, à longues enjambées silencieuses, la main levée pour réclamer son attention, et en s'approchant d'elle, il vit l'expression de ses traits se modifier. À la crainte, il succédait une sorte de soulagement, à la répulsion, quelque chose d'analogue à de la sympathie. Et laissant retomber sa main qui cherchait le bouton, à son tour, elle se dirigea silencieusement vers lui. Il fut heureux de cet acquiescement tacite, à son souhait non encore formulé, et il en retira un peu d'espoir et de confiance dans cette aventure où il n'avait d'autre ressource que de se remettre à la merci de la jeune fille. Et dès qu'il put se faire entendre d'elle dans le chuchotement net mais concentré qui faisait partie de son métier, un chuchotement imperceptible pour une oreille placée à 1 mètre de celui à qui il s'adressait, il lui dit d'un ton à la fois péremptoire et respectueux. « Je vous en prie, mademoiselle Bannon, pas un mot, pas un murmure. » Elle s'arrêta et acquiesça d'un signe de tête en l'interrogeant des yeux. Avec hésitation et se demandant pourquoi elle montrait si peu d'étonnement, il lui glissa. « Il est d'importance vitale que je quitte cet hôtel sans qu'on le sache. Si je pouvais compter que vous ne direz rien... » Elle le rassura d'un petit geste. « Mais comment voulez-vous sortir » fit-elle dans un souffle. « Le concierge ?»« Rapportez-vous-en à moi. Je connais un autre chemin. Je n'ai besoin que d'une chance. »« Alors, voulez-vous m'emmener avec vous ?»« Hein ?» bégaya-t-il abasourdi. Elle lui tendit les mains d'un geste suppliant. « Moi aussi, il faut que je m'en aille sans être vue. Il le faut. Emmenez-moi avec vous, hors d'ici, et je vous promets que nul ne sera jamais. » Il ne s'attarda pas à peser les inconvénients attachés à cette proposition. Bien qu'elle lui apportât un lourd handicap, il n'avait d'autre choix que de l'accepter sans résistance. « Venez donc, » fit-il, « et pas de bruit. » Elle acquiesça d'un nouveau geste, et là-dessus, il se dirigea vers une porte voisine, l'ouvrit sans bruit, tira sa lampe de poche et s'enfonça dans l'ouverture. Sans hésiter, elle le suivit. Et tels deux fantômes, ils marchèrent derrière la lueur vacillante de la lampe, traversant une lingerie et une pièce de service, descendant un escalier en spirale à marche de fonte, et par un long corridor reliant les cuisines, aboutissant à une solide porte fermée simplement par d'énormes et antiques verrous de fer. Ainsi, en moins de 2 minutes depuis l'instant de leur rencontre, ils se trouvèrent hors de la porte de derrière de l'hôtel Troyon, dans une ruelle étroite et malodorante, sombre vestige de ce pittoresque Paris médiéval dont la suppression fut un titre de gloire pour l'excellent baron Haussmann. Cette fois encore, il pleuvait, une brune épaisse qui tombait lentement avec presque l'opacité d'un brouillard. Et la faible lueur des réverbères de ce quartier mal éclairé offrait peu de secours à Lagnard et à la jeune fille qui s'avançaient avec précaution et toujours dans un complet silence sur les pavés raboteux et glissants. Car l'aventurier avait rempoché sa lampe, de crainte que ses rayons n'attirassent quelques rôdeurs de popinots. Mais il croyait assez probable que l'on avait négligé de garder la ruelle. Supposant qu'il en ignorait l'existence, vint-il à survivre et à vouloir s'échapper de cet hôtel. Malgré le pouvoir et l'omniscience de la meute, Lagnard doutait qu'elle eût encore identifié Michael Lagnard avec cet infortuné Marcel, qui jadis avait été aussi familiarisé avec cette voie infréquentée que les autres petits polissons du quartier. Mais chez le loup solitaire, la confiance n'allait jamais jusqu'à la témérité. Et si, en quittant l'hôtel, il prit la main de la jeune fille sans lui en demander la permission et la passa tout naturellement sous son bras, ce fut son bras gauche qu'il consacra ainsi à la galanterie. Sa droite resta libre et toujours à portée de son revolver. Il n'avait d'ailleurs pas pleine confiance dans sa compagne. La pesée de cette main sur son bras, les contacts furtifs de cette épaule, lui semblaient sur le moment les choses les plus vives et intéressantes du monde. Et de la sentir à son côté, faisait parmi les ténèbres de son dilemme comme une trouée de lumière dorée. Mais à mesure que les minutes s'écoulaient et que leur fuite s'effectuait sans encombre, son humeur s'assombrit de doute et s'aiguisa de défiance. Repassant toute l'aventure, il crut discerner quelque chose de trop suspectement improvisé dans la manière dont elle s'était emparée de lui, là-bas dans le couloir de l'hôtel. C'était un peu trop fort comme coïncidence, de même que cette histoire de somnambulisme qu'elle lui avait servi pour justifier sa présence dans la chambre. En y réfléchissant, l'excuse était beaucoup trop maladroite pour tromper tout homme non ensorcelé par une beauté en détresse. Qui était-elle d'abord, et quel genre d'intérêt lui portait-elle? Qu'était-elle venue chercher dans sa chambre, cette jeune américaine faisant son premier voyage à Paris, en la société de son père, cette vénérable ruine? Qui, entre parenthèses, était ce Bannon? Si l'histoire du somnambulisme était fausse, Bannon pourrait bien avoir été l'instigateur de la tentative d'espionnage de sa fille. Bannon, l'intime de Morbihan, et un Américain, tout comme le meurtrier du pauvre Roddy, en était un. Est-ce donc que cette singulière rencontre fortuite ne serait qu'un prétexte à une surveillance ultérieure? Avait-il, dans sa précipitation et son désespoir, joué son jeu à elle, en s'encombrant de sa présence et d'un nouveau souci? Mais il semblait absurde de croire qu'elle, une jeune fille comme elle, dont chaque mot et chaque geste attestaient la naissance distinguée et la bonne éducation. Que venait-elle faire dans cette chambre? Les somnambules ne sont que trop sincères dans l'exercice de leur maladie quand leurs expéditions se réalisent si opportunément et quand ils se munissent de clés ouvrant les portes des voisins. Et maintenant qu'il y repensait, il avait été bien niaisement aveugle de ne pas voir cette lacune dans son explication. Et cette seconde fois, pourquoi était-elle debout et habillée, et si follement entichée de quitter l'hôtel à 4h30 du matin? Pourquoi ne pouvait-elle attendre au moins le jour? Quelle commission, quel devoir légitime, ou quel projet pouvait l'avoir fait se lever et s'enfoncer dans la nuit et la tempête à cette heure indue? Il se le demandait. Et de minute en minute, il aiguisait davantage son attention sur elle, et analyser chaque nuance de sa conduite. Eût-elle pesé un tant soit peu plus fort sur son bras? Eût-elle laissé croire le moins du monde que son compagnon ne lui était pas tout à fait indifférent et qu'elle le regardait autrement que comme un camarade de hasard en une heure difficile? Cela lui aurait permis de préciser ses soupçons. Car, se disait-il, ce serait là la première pensée d'une femme désireuse de le leurrer, de le mener à son gré en lui témoignant d'une façon vague et subtile, mais d'autant plus séductrice, qu'elle ne le trouvait pas tout à fait déplaisant. Mais il ne réussit à découvrir rien de ce genre dans son attitude. Que devait-il donc croire? Qu'elle était assez intelligente pour comprendre à quel point de telles avances compromettraient ses desseins? Dans cette incertitude, il la mena jusqu'au bout de la ruelle, où il s'arrêta pour jeter un regard à la ronde, avant de se hasarder dans l'étroite, sombre et déserte petite rue qui s'offrait à eux. Là-dessus, la jeune fille dégagea doucement sa main et recula d'un pas ou deux. Quand Lagnard se fut assuré qu'il n'y avait aucun apache en vue, il se retourna et la vit plantée là, juste à l'entrée de la ruelle, dans une posture d'indécision. Se sentant regardée par lui, elle lui présenta un visage où errait un sourire mal assuré. « Où sommes-nous ? » demanda-t-elle. Il lui nomma la rue, mais elle hocha la tête. « Cela ne me dit pas grand-chose, » avoua-t-elle. « Je suis si peu familiarisée avec Paris que je connais tout juste quelques rues principales. Où est le boulevard Saint-Germain ?» Lagnard lui en indiqua la direction. « La troisième rue de ce côté. Je vous remercie. » Elle s'avança d'un pas ou deux, puis s'arrêta de nouveau. « Sauriez-vous par hasard où je pourrais trouver un taxi ?»« Je crains fort qu'à cette heure, vous n'en trouviez aucun dans ces parages. Un fiacre tout au plus, avec de la chance. » Je doute même qu'il y en ait un seul de libre plus proche de Montmartre, où les affaires sont en général plus actives. « Oh ! » s'écria-t-elle désolée. « Je n'y avais pas songé. Je croyais que Paris ne s'endormait jamais. » « Simplement quelques 3 heures plus tôt que la plupart des capitales du monde. Mais peut-être puis-je vous conseiller. »« Que vous seriez aimable, mais je ne voudrais pas être importune. » Il affecta de sourire. « Ne vous en faites pas pour cela. Où voulez-vous aller ?»« À la gare du Nord. » Il ouvrit de grands yeux. « La gare du Nord ? » répéta-t-il. « Mais... excusez-moi. « Je veux prendre le premier train pour Londres, » lui déclara tranquillement la jeune fille. « Vous aurez longtemps à attendre, » fit Lagnard. « Le premier train part vers 8h30, et il n'en est pas encore 5. Tant pis, j'attendrai à la gare. » Il haussa les épaules. Elle n'avait pas en effet d'autre perspective. Si toutefois elle disait vrai, en affirmant qu'elle avait l'intention de quitter Paris, chose dont il prit la liberté de douter. « Vous pouvez y aller par le métro, » suggéra-t-il, « le chemin de fer souterrain, si vous préférez. Il y a une station non loin d'ici, à Saint-Germain-des-Prés. Si vous le désirez, je vais vous y conduire. » Elle parut si réellement soulagée qu'il fut tenté de la croire. Et pourtant... « Je vous en serai très reconnaissante, » murmura-t-elle. Il accepta cela sous bénéfice d'inventaire et, tranquillement, reprit sa place auprès d'elle. Dans un commun silence, peut-être dû en grande partie à la sensation intuitive qu'elle avait de son embarras, ils gagnèrent le boulevard Saint-Germain. Mais là, juste comme ils débouchaient de la petite rue, se produisit un incident qui renversa les plans de Lagnard. Un fiacre en maraude surgit du brouillard et vint se ranger le long du trottoir, tandis que le cocher sollicitait bien haut leur clientèle. À mi-voix, Lagnard maudit copieusement l'importun. Rien ne pouvait être plus intempestif. Il avait besoin pour lui de ce déplorable véhicule, et si seulement le cocher avait attendu pour venir, qu'il eût piloté la jeune fille jusqu'à la station du métropolitain, il aurait pu profiter de l'occasion. À cette heure, il lui fallait ou bien céder le fiacre à la jeune fille, ou bien le partager avec elle. Au fait, pourquoi pas ? Il pouvait facilement la déposer à sa destination et dire au cocher de continuer jusqu'à la gare du Nord, car le métro n'était ni assez rapide, ni assez direct pour son dessein, qui comportait de se trouver à l'abri bien avant le jour. Un peu à contre-cœur donc, mais sans laisser voir son agacement, il fit signe au cocher, ouvrit la portière et fit monter la jeune fille. « Si cela ne vous dérange pas de me déposer en route ?»« Je ne demande pas mieux, » répliqua-t-elle. « Je ferai tout pour reconnaître, si peu que ce soit, votre obligeance. »« Oh, je vous en prie, ne vous inquiétez pas de cela. » Il donna au cocher des instructions précises, monta et s'installa à côté de la jeune fille. Le fouet claqua, le cheval hennit, le conducteur jura. Le fiacre antique gémit, démarra péniblement et partit, cas un cas, parmi la bruine épaisse. Dans son intérieur, une égale contrainte maintenait le silence, tel un mur entre les deux voyageurs. La jeune fille, la tête détournée, lisait à travers le carreau les plaques indicatrices devant lesquelles on passait. Rue Bonaparte, rue Jacob, rue des Saints-Pères, quai Malaquais, pont du Carrousel, elle reconnut enfin un repère dans les sombres voûtes du Louvre, et elle s'étonna un peu du singulier goût français en matière de nomenclature qui avait baptisé place du Carrousel ce vaste et sombre quadrilatère, la moins animée des places publiques de Paris, à son souvenir d'étrangère. De son côté, Lagnard voyait défiler ses artères bien connues en un vaste découragement d'esprit, irrité contre lui-même de sentir que la jeune fille avait plus ou moins deviné sa défiance. « Le loup solitaire, hein ? songea-t-il amèrement. On ferait mieux de l'appeler le ratraqué, si on savait. Ou mieux encore, le juif errant. Non, l'imbécile garanti. Il longeait le palais royal, quand soudain elle se tourna vers lui, dans un désir subit de se justifier. « Qu'est-ce que vous devez penser de moi, monsieur Lagnard ?» Il sursauta. « Moi ? Oh, ne vous inquiétez pas de moi, je vous en prie. Peu importe ce que je pense, n'est-ce pas ? Mais vous avez été si aimable, je sens que je vous dois au moins une explication. »« Oh, quant à ça, répliqua-t-il jovialement, j'ai l'idée bien nette que vous vous enfuyez d'auprès de votre père. »« Oui, je n'y pouvais plus tenir. » Elle s'interrompit brusquement, comme tentée d'en dire plus, mais n'osant pas. Il attendit un peu avant de lui offrir son encouragement. « J'espère que je ne vous ai pas paru indiscret ?»« Non, non. » Cette négation impatiente fut tout ce qu'il en obtint. Elle était retombée dans sa réserve, mais, à ce qu'il crut voir, pas de son plein gré. Était-il donc possible qu'il l'eût mal jugé ? Il hasarda. « Vous avez des amis à Londres, sans doute ?»« Non, personne. »« Mais alors ?»« Je m'arrangerai très bien. Je n'y resterai pas plus d'un jour ou deux. » Jusqu'au départ du prochain paquebot. Il y avait dans son ton une note tranchante qui exprimait son désir de laisser ce sujet. Néanmoins, il poursuivit malicieusement. « Je comprends. Permettez-moi de vous souhaiter bon voyage, mademoiselle Bannon, et de vous présenter mes regrets que les circonstances aient conspiré à changer vos plans. » Elle le regardait toujours de biais, irrésolue, comme si elle se demandait ce qu'il savait de ses plans, quand le fiacre déboucha de la rue Vivienne sur la place de la Bourse, contourna ce sourcilleux monument et s'arrêta sur sa face nord, devant les globes bleus d'un bureau de télégraphe ouvert toute la nuit. « Permettez, » dit Lagnard en ouvrant la portière, « je descends ici, mais je vais bien dire au cocher de vous mener gare du nord. Vous n'aurez même pas de pourboire à lui donner, cela me regarde. Non, plus un mot de remerciement. Avoir eu l'occasion de vous rendre service, c'est pour moi un plaisir singulier, mademoiselle Bannon. Et sur ce, bonne nuit. » D'un geste presque timide, la jeune fille lui tendit la main. « Je vous remercie, monsieur Lagnard, » dit-elle d'une voix mal assurée. « Je regrette. » Mais elle n'acheva point. Et Lagnard, debout, tête nue sous la pluie battante, lui serra froidement les doigts, réitéra ses adieux, donna au cocher de l'argent avec des instructions et regarda le fiacre s'éloigner avant d'entrer au bureau de télégraphe. Mais l'énigme qu'était la jeune fille irritait si profondément son imagination qu'il eut de la peine à rédiger un télégramme non compromettant destiné à l'ami de Roddy à la préfecture, cet imposant personnage qui guettait, avec l'homme de Scotland Yard, à la sortie des quais de la gare du Nord. Il avait libellé son texte en anglais, et il le remit à l'employé du guichet, tout en priant le ciel intérieurement que l'homme ne connût point cette langue. « Venez immédiatement à ma chambre d'hôtel Troyon, entrez par chambre voisine, prêt à agir événement grave, urgent, Roddy. » Que cette dépêche fût ou non du grec pour l'homme du guichet, celui-ci la prit avec une complète indifférence, ou plutôt avec un intérêt qui sembla s'évanouir dès qu'il eut perçu le prix du télégramme. Lagnard ne vit pas qu'il était favorisé d'un regard non moins curieux, tandis qu'il s'apprêtait à sortir et à disparaître pour enterrer son identité une fois pour toutes sous l'incognito du loup solitaire. Il n'aurait pu avoir de repos s'il n'eût assuré par cette démarche l'arrestation de l'Américain assassin. À présent, avec de la chance et une prompte action de la part de la préfecture, il se sentait assuré que Roddy serait vengé par Monsieur de Paris. Mais autant valait ne laisser aucun indice qui permît de découvrir l'auteur de ce mystérieux télégramme. Lagnard était donc assez satisfait quand il s'enfonça dans le vent et la pluie. Mais son exaspération fut à son comble quand le premier objet qui se présenta à ses regards fut ce malheureux fiacre revenu à sa place devant la porte. Lucia Bannon se penchait à la portière et le cocher sur son siège brandissait vers l'aventurier un fouet importun. Il faillit lâcher un juron, et pour deux sous, il aurait tourné les talons et ignorait délibérément la jeune fille. Mais il n'osa pas. Non loin se tenait un sergent de ville, dont les yeux inquisiteurs luisaient sous la visière ruisselante de son képi, car la scène lui promettait une distraction bienvenue en cette heure lugubre. Avec un semblant au moins extérieur de résignation, Lagnard s'approcha de la portière. « Me serais-je rendu coupable de quelque sottise par hasard » demanda-t-il avec une politesse verbale, sans écho dans son cœur. « Je regrette. »« La sottise vient de moi, » interrompit la jeune fille d'un ton vibrant d'indignation. Monsieur Lagnard, La voix lui manqua, et sa phrase s'acheva en un sanglot bref et sec. Elle se rejeta en arrière, afin de ne pas montrer son émotion en public. Lagnard refoula une envie de demander brutalement « Eh bien quoi ?» et se rapprocha de la portière. « Y a-t-il encore quelque chose que je puisse faire pour vous, mademoiselle Bannon ?»« Je ne sais pas. Je viens seulement de découvrir. Je suis partie si précipitamment que je n'ai pas pensé à m'en assurer. Mais je n'ai pas d'argent. Pas même un franc. » Après une courte pause, il répliqua avec obligeance. « Voilà qui complique les choses, n'est-ce pas ?»« Que vais-je faire? Je ne puis retourner. Je ne veux pas. Tout plutôt que cela. Vous pouvez juger de ma détresse, puisque je préfère me remettre à votre générosité, et j'ai déjà abusé de votre patience. » « À peine, » fit-il conciliant, « mais un petit instant, nous allons en parler. » Et disant au cocher de les mener place Pigalle, il remonta en voiture, plus que jamais soupçonneux. Mais autant qu'il pouvait voir, avec ce maudit agent qui regardait, c'était la seule chose à faire. Il ne pouvait rester là sous la pluie, éternellement à pérorer avec une jeune fille à demi éperdue ou feignant de l'être. « Voyez-vous, » expliqua-t-elle, quand le fiacre se fut remis en marche, « je croyais avoir un billet de 100 francs dans mon portefeuille. Et il y est bien. Seulement, le portefeuille est resté là-bas, dans ma chambre d'hôtel. » « 100 francs ne vous mèneraient pas à New York, » remarqua-t-il pensivement. « Oh, j'espère que vous ne croyez pas. » Elle se rejeta dans son coin avec un léger frisson d'humiliation. Comme s'il ne l'avait pas remarqué, Lagnard s'approcha de la portière, se pencha et jeta au cocher une nouvelle adresse. « Impasse Stanislas !» Aussitôt, le véhicule vira de bord, tourna un coin et s'en revint vers la Seine avec une célérité à faire croire que l'écurie était sur la rive gauche. « Où donc ?» demanda la jeune fille quand Lagnard se fut rassis. « Où nous menez-vous ? » « Je regrette, » dit Lagnard avec toutes les apparences d'une contrition soudaine. « J'ai agi à la légère, en supposant que vous me donniez toute votre confiance, ce qui, bien entendu, est impardonnable. Mais, croyez-moi, vous n'avez qu'à dire non, et ce sera comme vous le désirez. « Mais, » insista-t-elle avec agacement, « vous ne m'avez pas répondu. Où est cette impasse Stanislas ?»« C'est là que demeure un artiste de ma connaissance, le peintre Solon. Il est absent. Nous allons prendre possession de son atelier. Ne vous en faites pas, cela lui est égal. » Je lui ai rendu un grand service. Je lui ai fait vendre plusieurs tableaux. Et quand il est en voyage, comme maintenant aux États-Unis, il me laisse ses clés. C'est un quartier tranquille où nous pourrons nous reposer sans crainte et prendre le temps de la réflexion. « Mais... » commença la jeune fille d'un ton singulier. « Permettez-moi d'abord, » interrompit-il bien vite, « de vous exposer les faits de la cause. » « Eh bien, j'écoute, » fit-elle du même ton, voyant qu'il s'arrêtait. « Pour commencer... je ne doute pas que vous ayez de bonnes raisons de vous enfuir d'auprès de votre père. Des raisons très fortes et très graves, affirma-t-elle posément. Et vous préférez ne pas retourner... C'est hors de question. Et ce fut dit avec une telle rage concentrée qu'il la croyait presque. Mais vous n'avez pas d'amis à Paris. Pas un. Et pas d'argent. Il semble donc que si vous voulez fuir votre père, il vous faut trouver quelques cachettes provisoires. Quant à moi, je n'ai pas dormi depuis 48 heures. Il est nécessaire que je me repose si je veux être en état de penser clairement et de faire des projets. Et nous ne pouvons pas continuer à nous faire cahoter indéfiniment dans cette guimbarde. Ainsi donc, je vous offre la seule solution que je sois en état de vous proposer, vu les circonstances. « Vous avez tout à fait raison, » répliqua la jeune fille au bout d'un instant. « Surtout, ne me croyez pas ingrate. Même, je suis très malheureuse de me dire que je ne possède aucun moyen de vous dédommager de vos ennuis. Il y en a peut-être un. » fit doucement Lagnard, « mais nous en reparlerons plus tard, lorsque vous vous serez reposé un peu. »« Je ne serai que trop heureuse, » commença-t-elle, mais elle n'acheva pas, et dans un silence presque craintif, elle le regarda pensivement durant tout le reste du trajet. Celui-ci ne fut pas long. Au bout de 10 minutes, ils s'arrêtèrent à l'extrémité d'une impasse de peu de profondeur. Lagnard descendit le premier et aida la jeune fille à descendre, paya, renvoya le cocher et se dirigea vers une porte de fer dans une haute muraille de pierre couronnée de piquants. La partie grillée de cette porte laissait entrevoir un jardin étroit et obscur et une petite maison d'un étage. De chaque côté, les murs nus des vieux bâtiments en serrait la propriété. Ayant ouvert la grille, Lanière la réassujettit avec le plus grand soin, répéta cette manœuvre sur la porte d'entrée de la maison, et quand ils furent bien enfermés dans un sombre vestibule, il alluma l'électricité. Mais il ne permit à la jeune fille que de jeter un coup d'œil rapide sur cette antichambre et la fit passer dans une pièce d'un caractère original. « Ici en bas, c'est l'habitation, » expliqua-t-il en hâte. « Solon est célibataire et vit tout à fait seul. Son modèle d'atelier et sa femme de ménage ne viennent que le jour. Et par là, il évite le fléau d'un concierge. Avec votre permission, je vous donnerai l'atelier, par ici, en haut. » Et lui montrant le chemin par un étroit escalier, il fit de la lumière dans la vaste pièce qui composait à elle seule l'unique étage. « Je crois que vous serez bien, » fit-il. « Ce divan-là est aussi moelleux que possible. Et voici une porte que vous pourrez fermer à clé, en haut de l'escalier. Moi, bien entendu, je monterai la garde en bas. Et maintenant, mademoiselle Bannon, s'il n'y a plus rien que je puisse faire pour vous ?» La jeune fille répondit par un faible sourire et un petit soupir brisé. Presque sans le vouloir, dans l'excès de sa fatigue, elle s'était abandonnée aux bras accueillants d'une vaste chaise longue. Son regard là explora l'atelier luxueusement arrangé et revint au visage de Lanière. Et tandis qu'il attendait, il crut voir de l'émotion dans ses yeux attentifs, si profondément assombris par la désolation, l'inquiétude et la fatigue. « Je suis très lasse, en effet, avoua-t-elle, plus que je ne le pensais, mais je suis sûre que je dormirai bien. » Et je m'estime très heureuse, monsieur Lanière. Vous avez été plus obligeant que je ne le mérite. Sans vous, je n'ose pas songer à ce qu'il serait advenu de moi. De grâce, fit-il, et troublé tout à coup par la conscience de sa duplicité, il se dirigea vers l'escalier. Bonne nuit, mademoiselle Bannon, murmura-t-il, et il était déjà à la moitié des marches quand il perçut la lointaine réponse à son souhait. Comme il arrivait en bas, la porte du haut de l'escalier se referma et le verrou claqua sourdement dans sa gâche. Il s'apprêtait à fermer à clé la porte inférieure quand une indécision passagère arrêta sa main. « Que diantre ! » grommela-t-il avec agacement. « Il ne peut y avoir aucune méchanceté dans cette jeune fille. C'est impossible de mentir avec des yeux comme les siens. Et pourtant, pourtant... Ah, ça ! Qu'est-ce qui me prend ? Est-ce que je deviens ramollie ? Pourquoi hésiter devant une précaution élémentaire contre la possible trahison d'une femme qui ne m'est rien et dont je ne sais rien qui ne soit notoirement douteux. Tout cela à cause d'une jolie figure et d'un air suppliant. Et alors, il assujettit la porte, mais très doucement. Et, ayant mis la clé dans sa poche et fait la ronde des portes et fenêtres pour vérifier leur fermeture, il gagna d'un pas lourd la chambre à coucher de son ami le peintre. Les ténèbres l'envahirent. Il tomba, assommé comme un bœuf sous le maillet.